الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Donc le chapitre des menstrues. Aïcha radiallahu anha nous dit qu'une femme qui s'appelle Fatima bintu Abi Hubaysh, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Inni ustahaz fala athur. Cette femme, elle avait comme une sorte d'hémorragie. Donc elle avait une veine qui avait éclaté et qui faisait donc sortir du sang en continuité à l'endroit où sort le sang des menstrues. Elle lui a dit: Afa'ada al-salah. C'est-à-dire, est-ce que je dois délaisser la prière? C'est-à-dire, est-ce que ce sang qui sort à cause de cette hémorragie a le même statut que le sang des menstrues? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: non. Inna dhalika 'irqun. Ceci n'est qu'une veine. Mais délaisse la prière le nombre de jours pendant lesquels tu avais tes menstrues. Ensuite, fais les grandes ablutions et fais la prière. Et dans une autre version du hadith, le prophète lui a dit: walaysa bil hayda, cela ne fait pas partie des menstrues, et lorsque tes menstrues arrivent, délaisse la prière, et lorsque donc le nombre de jours est passé, lave alors ce sang et fais la prière. Fi dars al madi bada'na yani fi al tahaddouth 'an ba'd masa'il al hayd, lakin al waqt li lam yakfina fatawaqqafna 'inda yani muqaddimat هذا الباب فلا بأس نعيدها. الحيض في اللغة العربية معناه السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، هذه في اللغة العربية. أما في الشرع هو سيلان دم طبيعي يأتي المرأة في أوقات معلومة عند بلوغها. وذكرنا أن الحيض علامة من علامات البلوغ، فإذا جاء أن الحيض لأول مرة للطفلة فإنها يحكم عليها بأنها بالغة، وذكرنا العلامات الأخرى. والحيض له حكمة بالغة من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الأنثى إذا حملت شكي وقع في وقت الحمل ما كيجيش الحيض. قال العلماء رحمهم الله أن الأنثى إذا حملت تحول الحيض بإذن الله تبارك وتعالى إلى غذاء لهذا الجنين في رحيم أمه. في هذا الوقت الطفل يتغذى من هذا الحيض الذي تحول إلى غذاء بفضل الله تبارك وتعالى. هذه المرأة الذي اسمها فاطمة بنت أبي حبيش أصابتها الاستحاضة. الاستحاضة مرض يصيب بعض النساء، فهو انفجار عرق، فبسبب هذا الانفجار يخرج أو يستمر الدم بصفة مستمرة ودائمة. المرأة يعني دائما تجد الدم أن يستمر معها، لا ينقطع عنها الدم أبدا. فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. الدم دائما يستمر معي فلا أطهر، فالدم ملازم لي. فقال فسألت فأدعو الصلاة. يعني هل حكم دم الاستحاضة يأخذ حكم دم الحيض الذي يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي إذا جاءتها الحيضة؟ وهذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء في كون المرأة إذا جاءها الحيض أنها تترك الصلاة. Donc, dans le dernier cours dont nous avions commencé, a donné quelques détails sur les menstrues. Donc les menstrues, donc c'est un sang naturel qui arrive donc à la femme à des moments bien précis lors de sa puberté et après. Et donc on avait dit également que les menstrues sont un signe qui fait passer la femme de l'étape de l'enfance à l'étape de l'âge adulte. Donc ça fait partie d'un des signes qui montre que la personne a atteint la puberté. Et donc la personne devient ce que l'on appelle mukallafa. On dit niyan mukallafa, c'est-à-dire qu'elle est responsable religieusement. Elle doit prier, elle doit jeûner, elle doit accomplir le pèlerinage, elle doit se voiler, etc., etc., comme une femme adulte. Et les menstrues, donc, comme vous le savez, lorsque la femme tombe enceinte, les menstrues s'arrêtent. Les savants, ils ont dit que ces mêmes menstrues, Allah subhanahu wa ta'ala les transforme en nourriture pour l'enfant, pour le fœtus. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y a pas de menstrues. Donc, nous avons également ce que l'on appelle al-istihada. Nous avons le haid, qui est les menstrues, et nous avons al-istihada. Al-istihada, donc, c'est une maladie. C'est une veine qui éclate, et qui donc qui fait sortir du sang. Et ce sang, il accompagne toujours la femme, tous les jours, pendant des mois, pendant des années. À moins, jusqu'à qu'elle soit guérie de cela. Il y a un mot précis en français, là ? Métro. Ragi, vous appelez ça comme ça ? La métro, ragi. Donc en arabe, c'est al-istihada. Donc c'est une sorte d'hémorragie. Donc cette femme qui s'appelle Fatima bint Abi Hubaysh, elle a été atteinte de cette maladie. Et donc elle est venue poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant : est-ce que je dois délaisser la prière ? Donc est-ce que ce sang qui sort a le même statut que les menstrues ? Donc les menstrues, dans les menstrues, il est interdit à la femme de prier. Sans divergence chez les savants. La femme qui prie pendant sa période de menstrue, sa prière n'est pas acceptée et en plus de ça, elle a commis un péché. Donc elle n'a pas le droit de prier pendant cette période. وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فمن الفروق التي تكون بين دم الحيض ودم الاستحاضة الرائحة فدم الحيض دم رائحته كريهة فهو دم نتن وكذلك اللون فدم الحيض يعني يميل إلى السواد بخلاف دم الاستحاضة فإنه أحمر كالدم العادي وكذلك الكثافة فدم الحيض دم يعني غليظ بخلاف دم الاستحاضة. المرأة يعني تستطيع أن تميز بين الدمين بهذه الأوصاف الرائحة وكذلك الكثافة واللون وكذلك يعني أحيانا بعض النساء عندما يأتي الحيض يعني يصاحب هذا الدم ألم ولكن هذا ليس عند كل النساء. Donc il y a des différences entre les deux sangs. Nous avons le sang des menstrues et le sang de la métrorragie. Donc la femme peut reconnaître et faire la différence entre les deux sangs par rapport à l'odeur, par rapport à la couleur, par rapport à l'épaisseur et également certaines femmes, lorsque les menstrues arrivent, il y a une douleur qui accompagne ce sang. En ce qui concerne l'odeur, donc le sang des menstrues est un sang qui a une mauvaise odeur. Également, la couleur, le sang des menstrues est est proche du noir. Donc il a une couleur plus foncée que le sang habituel. Al-kathafa, c'est-à-dire l'épaisseur. Le sang des menstrues en général, il est épais, contrairement au sang de istihada qui est un sang liquide comme n'importe quel sang. Et comme on l'a dit également, certaines femmes, lorsque les menstrues arrivent, cela est accompagné de douleurs. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض أو إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف وفي رواية يعرف يعني من العرف وهو الرائحة فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق رواه أبو داود والنسائي. Dans une autre version du même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, lorsque le sang des menstrues arrive, qui est un sang noir et connu. Et dans une autre version, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise odeur. Lorsque ce sang arrive, délaisse la prière, et lorsque c'est l'autre, c'est-à-dire le sang de la... c'est quoi le nom qu'on avait dit ? Métroragie. Fait les ablutions et fait la prière, car cela ne vient que d'une veine, donc rapporté par Abu Daoud et Al-Nasa'i. إذن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ما أشكل عليها. فذكرنا أكثر من مرة أن الصحابيات كان الحياء لا يمنعهن من التفقه في الدين مما يعرفنا من قدر هذا الدين العظيم وقدر التكاليف الإسلامية. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن من التفقه في الدين. Donc cette femme, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a demandé, donc elle a posé la question sur donc ce sang qui est la métrorragie. Donc à plusieurs reprises, nous avions dit que les compagnons, radiyallahu anhum, hommes et femmes, la pudeur ne les empêchait pas d'apprendre leur religion. Donc lorsqu'il y avait une chose qui leur posait problème, même une chose liée à des sujets qui amènent en général à avoir honte d'en parler, des sujets difficiles à traiter, ils surmontaient cette pudeur pour aller poser les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, donc ils avaient compris et saisi et réalisé la grande valeur de cette religion. Car la personne, en ayant honte de poser une question, peut-être que elle va délaisser la prière parce qu'elle ne sait pas quel est le statut de la métrorragie, ou bien peut-être qu'elle va faire la prière à une période où elle ne doit pas la faire. Donc c'est pour ça que cette femme donc est venue la poser la question au prophète sallallahu alayhi وسلم. إذن هذه المرأة التي أصيبت بالاستحاضة عليها أن تصلي. هذا الدم لا يمنع من الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا جاءتك الحيضة فاتركي الصلاة. فتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ولكن النساء يختلفن من واحدة إلى أخرى. من النساء من تكون عادتها معلومة، لا تتخلف ولو بيوم. بعض النساء شهر النهار فلاني في الشهر يأتيها الحيض ولا يتخلف، ولكن هذا ليس عند كل النساء. فبعض النساء يأتيها الحيض في بداية الشهر، أحيانا في الشهر الثاني، في الوسط، في الشهر الثالث، في الأخير. فلأجل هذا المرأة لابد أن تعرف الحالات التي تتصرف فيها حتى تعرف متى تصلي ومتى تترك الصلاة. الحالة الأولى أن تكون المرأة أو تكون عادة المرأة معلومة، فهذه المرأة المستحاضة ستترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها. مثلا مرأة يأتيها الحيض كل شهر من مثلا اليوم الخامس إلى اليوم العاشر مثلا، ولكن أصيبت بالاستحاضة، ستجلس وتترك الصلاة من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر، مفهوم؟ هذه الحالة الأولى. طيب مرأة عادتها غير معلومة، يعني يأتيها كل شهر وكيف، أحيانا في البداية، أحيانا في الوسط، أحيانا في الأخير، فهذه ستعمل بالتمييز، تنظر إلى الدماء، فإذا وجدت الأوصاف التي ذكرناها في الدم من الرائحة ومن اللون ومن الكثافة ومن الألم أحيانا، فإنها ستترك الصلاة في الأيام التي ترى هذه الأوصاف، مفهوم؟ الحالة الثالثة أن لا تكون العادة معلومة ولا تستطيع أن تميز، مثلا يعني لا تستطيع أن تميز، فهذه ستجلس قدر الأيام التي تحبس فيها يعني غالب النساء بسبب الحيض. طيب مدة الحيض شحال في الغالب؟ ما بين 6 أيام وسبع أيام، 6 أيام وسبع أيام، بعض النساء عندهم أقل، بعض النساء عندهم أكثر، ولكن الغالب في النساء هي يعني 6 أيام أو 7 أيام. طيب بالنسبة للحالة الأولى أن تكون العادة معلومة، فهو الحديث الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها، فقال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. الحالة الثانية حديث التمييز، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فرد النبي صلى الله عليه وسلم التمييز. والحالة الثالثة لما قلنا أن المرأة تجلس وتعمل بعادة غالب النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة اسمها حمنة بنت جحش، وهي أخت هذه المرأة، هي أخت، لا ليست أختها، اسمها حمنة بنت جحش، كذلك أصيبت بالاستحاضة يعني استحيضت، فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، يعني الدم لا ينقطع أبدا، فما ترى فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. فهي تجلس 6 أيام وسبع أيام. طيب إمتى؟ ها؟ في الأول؟ في الوسط ولا في الأخير؟ ها؟ وكيف أي وقت؟ ها؟ في الوسط؟ علاش؟ قال العلماء تنظر إلى نساء عائلتها، مثلا تشوف بناتها، تشوف أمها، تشوف خالتها، ففي الغالب النساء في عائلة واحدة يأتيهن يعني الحيض في وقت واحد في الغالب، فتنظر يعني إن كانت من الغالب في عائلتها عن الحيض يأتيهن في أول الشهر، فإنها ستجلس 6 أيام و 7 أيام في بداية الشهر، وإن كان في الوسط ففي الوسط، وإن كان في الأخير ففي الأخير. Donc cette femme qui donc était atteinte de métrorragie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit donc de délaisser la prière le nombre de jours pendant lesquels elle avait ses menstrues. Mais donc les menstrues, il y a plusieurs situations pour la femme. Donc il y a des femmes qui, pour qui les menstrues arrivent chaque mois à un moment bien précis. Il y a des femmes qui, tel jour, chaque mois, les menstrues arrivent. Il n'y a jamais de retard et à la fin, c'est toujours le même jour pendant lequel les menstrues cessent. Si cette femme est dans ce cas-là, elle délaisse la prière, donc le nombre de jours pendant lesquels elle avait ses menstrues. Donc elle a du sang qui est continuel. Mais si elle sait que, avant sa maladie, que du, par exemple, du 5 au 10, elle avait des menstrues, donc les mois pendant lesquels elle sera atteinte de métrorragie, du 5 au 10, elle délaissera la prière. Donc comme dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dirigé cette femme vers le nombre de jours pendant lesquels elle avait ses menstrues. Deuxième cas, il y a certaines femmes qui n'ont pas de menstrues à des temps précis. Donc parfois, pendant des mois, c'est au début, pendant d'autres mois, c'est au milieu, pendant d'autres mois, c'est à la fin. Donc la femme qui est dans cette situation, elle essaye alors de différencier les deux sangs par les caractéristiques que nous avons citées, comme l'odeur, la couleur et l'épaisseur, et également la douleur parfois. Ça, c'est le deuxième cas. Donc elle observe les deux sangs, lorsqu'elle s'aperçoit que c'est le sang des menstrues, à ce moment-là, elle délaisse la prière. Admettons que la femme n'a ni des menstrues à des temps précis et qu'elle n'arrive pas à différencier les deux sangs, à ce moment-là, elle cessera de prier, donc le nombre de jours pendant lesquels la majorité des femmes ont leurs menstrues, c'est-à-dire 6 jours ou bien 7 jours. Et donc si la femme ne sait pas quand elle doit cesser la prière, est-ce que c'est au début du mois, ou bien au milieu du mois, ou bien à la fin du mois, elle regardera par rapport aux femmes de sa famille qui lui sont proches. Par exemple ses filles, par exemple sa mère, par exemple ses sœurs, par exemple ses tantes. Et elle observera qu'en général, les femmes d'une même famille, les menstrues leur viennent au même moment. Donc elle cessera de prier à ce moment-là. Ensuite, c'est au début, c'est au début. Si c'est au milieu, c'est au milieu. Si c'est à la fin, ce sera à la fin. طيب لو كانت المرأة لها عادة معلومة من نهر كذا إلى نهر كذا يأتي الحيض ولكن مثلا من نهر خمسة إلى نهر عشرة يأتي الحيض كل شهر فاستحيضت فجلست مثلا هذا القدر ولكن يعني ميزت بين الدمين في فترة أخرى مثلا في الوسط يعني ميزت بين الدمين شنو تدير؟ تعمل بالتمييز ولا بالعادة؟ ها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء قال تعمل بالتمييز ومن العلماء من قال تعمل بالعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا لم يستفصل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذه المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منها إن كنت تستطيعين أن تميزي فكذا وإلا فأني اعتمدي على أيام عادتك. فبكل الأقوال قال بعض العلماء والخلاف يعني قوي والعلم عند الله تبارك وتعالى. فهذه المرأة إذا جلست بعد أن جلست مدة حيضتها فبعد ذلك تغتسل من الحيض وتصلي تصلي وإن كان الدم يخرج منها لأنها مريضة، هذا الدم ليس دم حيض. وكذلك يجوز لزوجها أن يطأها، يجوز لزوجها أن يجامعها، فلا إشكال في ذلك. يقول عكرمة عن حمنة بنت جحش، فهي امرأة أصيبت بالاستحاضة، والنساء اللواتي أصيبن بالاستحاضة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عشر، بس نذكر أسماءهن. فعن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود. فهذه المرأة التي اسمها حمنة كانت زوجة طلحة، يعني الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله. هناك امرأة أخرى اسمها أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، فكلاهما أو كلتاهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الاستحاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهن أو لهما عدم جواز الوطء في حالة الاستحاضة، فهو جائز. Donc cette femme qui est atteinte de métrorragie, donc elle délaisse la prière pendant la période des menstrues, et ensuite donc elle fait les grandes ablutions et elle doit prier comme si elle n'avait pas de sang qui sort, comme une femme normale, du fait que donc ce n'est qu'une maladie. Et également elle peut avoir des rapports avec son mari. Donc il y a 10 femmes qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient malades de métrorragie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cité à l'une d'entre elles qu'il était interdit d'avoir des rapports avec son mari. Donc il y avait une femme qui s'appelait Himna binti Jahsh, donc c'était la femme de Talha ibn Ubaydillah, et une autre femme qui s'appelle Ummu Habiba binti Jahsh, également c'était la femme de Abd al-Rahman ibn Auf, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cité donc le fait de délaisser les rapports conjugaux. المستحاضة إذن بعد أيام حيضتها تغتسل، فكيف تتطهر للصلاة؟ ها؟ كيف تتطهر للصلاة؟ ها؟ كل صلاة تغتسل؟ لا، الآن انتهى الحيض. مثلا جلست في بداية الشهر، في وسط الشهر لا، طيب تريد أن تصلي الآن تتوضى لكل صلاة، هي لابد أن تتوضى لكل صلاة، فإذا أرادت أن تصلي تتوضى، لأن هذا الدم الذي يخرج باستمرار ناقض للوضوء، فهي تتوضى تصلي، فحكمها حكم الذي أصيب بمثلا بالسلس، سلس البول أو سلس الريح، فهؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت أو عند إرادة الصلاة فيصلون ولا يبالون بما حصل بعد ذلك، فممكن يتوضأ والدم يخرج ولكن لا تبالي بذلك، يعني لا تهتم بما يخرج منها، لأن يقع بغير إرادة. قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فهي إذا أرادت أن تصلي فإنها تتوضأ وتتوضأ لكل صلاة، وكذلك تغسل أثر الدم، تغسل أثر الدم. Donc cette femme qui est atteinte de métrorragie, comment fait-elle donc pour se purifier pour la prière? Donc il n'y a pas de prière sans purification. Elle devra faire les ablutions pour chaque prière. À chaque prière, elle devra faire les ablutions. Donc lorsque l'heure de la prière arrive et qu'elle désire faire la prière, elle fait ses ablutions. Et ensuite, elle ne fait pas attention à ce qui arrive après. Donc toute personne qui est dans ce cas, comme la métrorragie, comme les gens qui ont de l'incontinence, des personnes âgées qui ont de l'urine qui sort, à ce moment-là, il fait les ablutions au moment de la prière et il ne fait plus attention à ce qui arrive après. Pareil pour des gens qui ont des gaz, personnes qui ont des gaz de manière continuelle. Ces personnes-là également, ils font les ablutions au moment de la prière et ils ne font plus attention à ce qui arrive après. Mais donc il faudra qu'elle fasse les ablutions pour chaque prière, pour le Sod, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha. Et également avant la prière, donc nettoyer les traces donc de sang. نأخذ الحديث الذي بعده والنساء اللواتي يعني أصيبنا بالاستحاضة عشرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش وهي التي هي صاحبة الحديث وحمنة بنت جحش وأسماء بنت مرثد وزينب بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش وسهلة بنت سهيل أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بادية بنت غيلان وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه. Donc il y a 10 femmes qui ont été atteintes de métrorragie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a Fatima bint Abi Hubaysh, donc celle qui est venue poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Himna bint Jahsh, Asma bint Jahsh, Asma bint Marthad, Zaydan bint Jahsh, Umm Habiba bint Jahsh, donc trois sœurs de la même famille, les filles de cet homme qui s'appelle Jahsh, ont eu cette maladie, Sahla bint Suhayl, Umm Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sauda bint Zam'a, Badia bint Ghilal et Asma bint Umais, la femme de Abu Bakr radiyallahu anhu. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين سبع سنين وهي مستحاضة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة أم حبيبة هذه ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم له زوجة اسمها أم حبيبة لا هذه أم حبيبة بنت جحش التي أصيبت بالاستحاضة هذه استحيضت سبع سنين سبع سنين والدم مستمر معها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة وفي رواية لهذا الحديث إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرها بالاغتسال هو الاغتسال الذي يكون بعد الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لأنها لم تكن اغتسلت فأمرها أن تغتسل من الحيض. فهي فهمت أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة فهو اجتهاد منها رضي الله عنها. فهمت أنه لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة. والذي قلنا أن على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال لكل صلاة إنما هو اجتهاد منها رضي الله عنها donc le deuxième hadith عائشة رضي الله عنها nous dit que أم حبيبة donc une femme qui a été atteinte de métrorragie c'est أم حبيبة بنت جحش Elle a eu la métrorragie pendant 7 ans. Pendant 7 ans, donc le sang ne cessait de couler. Et elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et le prophète lui a ordonné donc de faire les grandes ablutions. Et elle faisait les grandes ablutions pour chaque prière. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que cela n'était pas les menstrues. Mais que ce n'était qu'une veine, donc fait les grandes ablutions et fait la prière. Aïcha nous dit qu'elle a tartassilo, donc pour chaque prière. Donc elle faisait les grandes ablutions pour chaque prière. Si on réunit toutes les versions de ce hadith, on s'apercevra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de faire les grandes ablutions pour chaque prière. Il lui a dit de faire les grandes ablutions, donc après les menstrues. Donc elle a posé la question, elle a dit de faire les grandes ablutions et de faire la prière donc après les menstrues. Et elle a compris qu'il fallait faire les grandes ablutions pour chaque prière et c'est pour ça qu'elle faisait cela. Donc c'est qu'un effort de réflexion qu'elle a fait, c'est une mauvaise compréhension qu'elle a eue de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on avait dit tout à l'heure, il suffit donc à cette femme de faire les ablutions pour chaque prière pour pouvoir prier. كذلك هذا الحديث يدل على صبر المؤمنات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يصيبهن يعني حيث صبرت على الاستحاضة سبع سنين سبع سنين وهي مريضة بهذا المرض رضي الله عنها مع ذلك لم تكون تترك الصلاة. Ce qui prouve également la grande patience de ces femmes du fait que donc Umm Habiba bint Jahsh donc a été atteinte de métrorragie pendant 7 ans et malgré cela donc elle a patienté et pire encore elle faisait les grandes ablutions pour chaque prière. La femme qui est atteinte de métrorragie, la femme, la femme qui n'est pas malade. C'est quoi la question? La reprise de la prière lorsque il y a deux signes. Il y a soit le fait que le sang s'arrête de couler, ou certaines femmes, il y a ce que l'on appelle al-qissatul bayda. Il y a comme un liquide blanc qui sort après les menstrues. Ça, c'est le signe que les menstrues sont finies. Et donc, lorsqu'il y a ça, elle doit faire la prière. À partir du moment où elle se rend compte que les menstrues sont finies, elle fait les grandes ablutions, elle fait la prière. Si par exemple, c'est entre Dohor et l'Asr, elle fait Dohor. Si c'est l'Asr, elle ne fait que l'Asr. Donc le hadith qui suit, عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد كلانا جنوب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Le hadith qui suit, عائشة رضي الله عنها nous dit: je faisais, ou bien nous faisions les grandes ablutions, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un même récipient, et nous étions tous les deux en état de janaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait de porter un izar. Izar, c'est ce que portent les gens, donc, pour couvrir le bas du corps, entre le nombril et le genou, comme pendant le pèlerinage. Nous avons Al-Izar et Al-Rida. Al-Izar, c'est ce que l'on porte sur la partie inférieure du corps, et Al-Rida sur la partie supérieure. Donc il lui ordonnait de porter Al-Izar. فَكَانُ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِدٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc était en contact, on va dire, avec elle, et alors qu'elle était en état de menstrues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également sortait sa tête de la mosquée vers Aïcha radiallahu anha alors qu'il était en train de faire l'i'tikaf, la retraite pieuse pendant le mois de Ramadan, fa'arsiluhu ana ha'id, et elle lui lavait la tête et elle était en état de menstrues. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sort sa tête? En fait, les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient donc juste à côté de la mosquée, fil qibla. Donc le prophète rentrait sa tête dans la demeure de Aïcha et elle lui lavait la tête. هذا الحديث مشتمل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وقت الحيض وكيف كان يتعامل معهن رضي الله عنه. مر معنا الحديث الأول أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلاهما جنوب. مر معنا في كتاب الجنابة فلا حاجة إعادة ذلك. تقول كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. المباشرة تشمل المعانقة والتقبيل واللمس فيما فوق السرة إلى الركبة. الإنسان كان يباشر زوجه رضي الله عنها وهي حائض، كان يعانقها ويقبلها ويلمسها، وكما ذلك كان يأمرها أن تلبس الإزار. فمباشرة الحائض على ثلاثة أقسام، مباشرة الحائض على ثلاثة أقسام. القسم الأول حرام بالإجماع وهو الوط، الوط وقت الحيض حرام بالإجماع، بل هو من كبائر الذنوب، ومن أنكر تحريمه فقد كفر. هو من الأمور المعلومة، يعني هو الأمور المشهورة معلومة من الدين بالضرورة، لا يجهله أحد، هذا حرام بالإجماع. القسم الثاني ما فوق السرة إلى تحت الركبة، فهذا حلال بالإجماع، مفهوم؟ ما فوق السرة إلى الركبة فهذا حلال بالإجماع، أن يباشر الإنسان زوجه وقت الحيض في هذه المنطقة. الخلاف فيما بين السرة إلى الركبة، فمن العلماء من قال هو حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر، ومن العلماء من قال أنه مباح، لأنه ثبت في عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس في الصحيح، في صحيح مسلم، اصنع كل شيء إلا النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد المؤمنين أن تكون معاملتهم يعني مع نسائهم وقت الحيض، فقال لهم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالممنوع هو الوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر سدا للذريعة، أن يعني الإنسان قد أن يتجاوز أن هذه المنطقة ويبدأ يباشر إلى ما بين السرة إلى الركبة، ويستدرجه الشيطان حتى يصل إلى الحرام، فالإنسان يضع حاجزا بينه وبين الحرام. ولأجل هذا الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر عائشة أن تتزر. Donc la première partie du hadith, le fait que Aïcha radiallahu anha faisait les grandes ablutions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un même récipient, et tous les deux ils étaient en état de janaba. Donc on avait expliqué cela dans le chapitre donc qui parlait de janaba, donc on ne va pas répéter cela. La deuxième phrase, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait de porter l'izar, et ils avaient alors des contacts alors qu'elle était en état de menstrue. En arabe, le mot mubashara englobe trois choses. Donc le mu'anaqa, le fait donc d'être enlacé, le taqbil, le fait de s'embrasser, ou l'ems, le fait de se toucher. C'est ce qu'on appelle al-mubashara. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela avec ses épouses alors qu'elles étaient en état de menstrue. Donc al-mubashara, il y a trois sortes de mubashara avec la femme qui est en état de menstrue. Une sorte illicite sans divergence, l'ijma', une catégorie licite également sans divergence, et une partie sur laquelle il y a divergence. La partie qui est interdite, l'ijma', c'est le fait d'avoir des rapports donc sexuels pendant les menstrues. Allah Azza wa Jalla dit ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا حرام. Donc Allah dit de s'éloigner donc des rapports pendant les menstrues. Donc ça c'est une chose connue chez tous les musulmans. C'est une chose que tout le monde connaît, le fait qu'il est interdit d'avoir des rapports pendant les menstrues. La catégorie qui est licite, également sans divergence, c'est la partie qu'il y a au-dessus du nombril, au-dessus du nombril et en dessous du genou. Ça également, c'est licite donc à l'homme donc de profiter de ces endroits pendant les menstrues. La partie sur laquelle il y a divergence, c'est donc entre le nombril et les genoux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait à Aïcha de porter l'izar. Donc certains ont dit que ça prenait le même statut que les rapports. Et certains ont dit que c'était permis du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit « Isma'u kullashi illa al-nikah » C'est-à-dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf donc avoir des rapports sexuels pendant les menstrues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut montrer aux gens qu'il faut toujours qu'ils mettent un obstacle entre eux et l'illicite. Car il se peut que la personne, donc, l'homme profite de son épouse, donc, dans tous les endroits, sauf les rapports, et que Shaitan lui fasse, Shaitan fasse qu'il arrive à la chose qui est illicite. Donc c'est pour ça que la personne même qui craint pour elle de tomber dans l'illicite, à ce moment-là, qu'il dise à sa femme donc de porter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, disait à Aïcha, de porter l'izar, afin donc de laisser entre lui et le haram un obstacle. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le yushaku an yarta'afi. Le prophète, il a dit, c'est comme dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, comme un berger qui enverrait paître ses animaux proche d'une propriété, juste à côté. Et il se peut que les animaux aillent paître dans la propriété privée. Donc c'est pour ça que la personne, donc, elle laisse toujours une distance entre elle et l'illicite. Hein? Si il y a éjaculation par contact entre l'homme et la femme, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème à ça. Fa al-waqt al-hayd haram wa alayhi kaffara. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ata imra'atahu wa hiya ha'id falyatasaddaq bi dinar aw nisf dinar. من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. فقال بعض العلماء إن أتاها في وقت الحيض وقت سيلاد الدم فليتصدق بدينار، وإن أتاها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل فعليه أن يتصدق بنصف دينار، والدينار 4.25 جرام من الذهب. 4.25 جرام من الذهب. الإنسان يعمل العملية الرياضية حتى يعرف كم عليه أن يتصدق. تقول ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. رواه مسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم donc avait donc des contacts avec ses femmes. Maymouna, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait avec elle ce qu'on appelle al-mubashara, avoir des rapports donc autres que les rapports sexuels avec ses femmes, au-dessus donc de l'izar, la partie donc qui couvre la partie inférieure du corps, alors qu'elles étaient en état de menstrues. C'est rapporté par Muslim. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أزواجه أيام الحيض ولا إشكال في ذلك خلافا لليهود، وسنذكر حديثا. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم أو أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذن يشرب من المكان الذي يعني شربت منه عائشة وكان يأكل من المكان الذي أكلت منه عائشة رضي الله عنها. وهذا كما قلنا خلافا لليهود, فكانت اليهود إذا حاضت المرأة يعني لا يجتمعون معها في مكان ولا يؤكلونها ولا ينامون معها. فجاء الإسلام فأبطل هذه العادات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت, هي تخرج من البيت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشير بن بشر يعني صحابيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فاليهود قال له الإنسان أن لا يجامع زوجته وأن لا يجتمع معها أيام الحيض. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما, يعني غضب عليهما. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما. Rapporté par Muslim, Rawah Muslim. Nabi sallallahu alayhi wa sallam également, donc, lorsque ses épouses avaient les menstrues, il vivait avec elles de manière tout à fait habituelle, normale. Donc, il mangeait avec elles, il buvait avec elles, il s'asseyait avec elles, etc., etc. Donc, sauf qu'il n'y avait pas de rapport sexuel. Aisha radiallahu anha nous dit je buvais. Donc dans un récipient et j'étais en état de menstru, ensuite je le donnais au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il posait donc ses lèvres sur l'endroit donc sur lequel j'avais posé les miennes et il buvait sallallahu alayhi wa sallam. Car donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs, lorsque la femme avait ses menstrues, ils s'éloignaient totalement d'elle, ils ne mangeaient pas avec elle, ils ne buvaient pas avec elle, ils ne s'essayaient pas avec elle. Et il refusait même d'être avec elle à la maison. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à ce sujet, est-ce que c'est bien de faire cela? C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, ils te questionnent au sujet des menstrues, قُلْ هُوَ أَذَى, dit que c'est une impureté, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, donc éloignez-vous des femmes, c'est-à-dire éloignez-vous des rapports pendant les menstrues. Et le prophète a dit ensuite, اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ, faites tout ce que vous voulez, sauf donc les rapports sexuels. Alors que cela est arrivé aux oreilles des juifs, et ils ont dit مَا يُرِدُوا هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَلَفَ نَفِيدٍ, c'est-à-dire que cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne délaisse rien de nos coutumes et de nos habitudes sans qu'il fasse le contraire, sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que deux compagnons, Usayd ibn Khudayr et Abad ibn Bishr, ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les juifs disent telle ou telle chose et que nous n'allons pas donc rester avec les femmes en état de menstru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage, donc la colère s'est vue sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que les gens pensent qu'il était en colère contre ces deux hommes. Et ces deux hommes donc sont sortis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur a envoyé un cadeau, donc leur a envoyé du lait et qui leur a donné à boire, et ils ont su qu'ils n'étaient pas en colère contre lui sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est dans Sahih Muslim. Fadan istafidu kadhalik ani tiba 'ishrat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li azwajihi qala Allah 'azza wa jalla wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa husnu at-ta'amul ani lahu athar nafsiyya lil mar'a lahu athar nafsiyya lil mar'a fa inna al mar'a ani fi hadha al waqt التي يعني يأتيها يعني الحيض تحتاج إلى من يؤانسها ومن أن يتلطف معها فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل معهن ويشرب معهن ويجتمع معهن وسيأتينا أنه كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن وهي حائض فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه يعني وقت الحيض وكان يخرج رأسه وهو معتكف. Donc également, on peut tirer de ce hadith donc le bon comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Du fait que donc la femme, pendant la période des menstrues, elle a besoin donc de quelqu'un qui l'accompagne et qui ait un bon comportement avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc faisait toutes ces choses-là. Il mangeait avec elle, il vivait avec elle, il donc restait avec elle afin donc d'être le meilleur des époux. Le prophète Allah azza wa jalla dit « Wa'ashirhum nabil ma'ruf » c'est-à-dire « Ayez un bon comportement avec elle ». حديث الذي بعده لا نفس الحديث وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا كذلك يعني يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان والاعتكاف ولزوم المسجد في وقت معين والأفضل أن يكون ذلك في رمضان يعني طلبا لإدراك ليلة القدر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر أنه يلتمس في هذه الأيام ليلة القدر. فكما قلنا أكثر من مرة ليلة القدر ليست في ليلة معينة يعني تنتقل من ليلة إلى أخرى من سنة إلى أخرى. فعلى الإنسان أن يلتمسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر ويقول التمسوها في سبع الأواخر يقول التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر. فالمسلم على أن يجتهد في العشر الأواخر كلها ومن هذا الاجتهاد أن يعتكف الإنسان في المسجد فيبقى في المسجد ولا يخرج إلا لضرورة. قال الله عز وجل يعني من الأمور التي لا تجوز في حالة الاعتكاف الجماع ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجوز له أن يخرج من المسجد فإنه يخرج رأسه فقط. فعائشة رضي الله عنها تغسل له رأسه وكذلك يعني مر معنا لو ترجله يعني تسرح شعره صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخرج لأنه هو معتكف وهي لا تستطيع أن تدخل لأنها حائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه فإخراج بعض البدن من المسجد جائز للمعتكف. جائز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه ولا يعتبر ذلك ناقضا من نواقض الاعتكاف. Donc la fin de ce hadith, Aïcha radiallahu anha a nous dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait sa tête donc vers elle, alors qu'il était en train de faire l'i'tikaf, la retraite pieuse, et elle lui lavait la tête alors qu'elle était en état de menstruer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce que l'on appelle l'i'tikaf. C'est le fait de rester à la mosquée pendant une période bien déterminée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela pendant le mois de Ramadan. Donc les 10 dernières nuits de Ramadan, il restait à la mosquée, il ne sortait plus pour pouvoir être présent en adoration pour Laylat al-Qadr. Donc Laylat al-Qadr, comme on a dit ça à plusieurs reprises, ce n'est pas une nuit bien précise. On ne peut pas certifier que c'est la nuit du 27 du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à rechercher Laylat al-Qadr pendant les 10 dernières nuits, pendant les nuits impaires, pendant les nuits paires, bref, pendant les 10 dernières nuits. Il faut que le musulman donc fasse des efforts pour être présent pour Laylat al-Qadr. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est la nuit du 27? Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé la nuit du 25, la nuit du 21. Donc le musulman, il faut qu'il fasse des efforts pendant les 10 dernières nuits. Le Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari, il nous dit, à la fin d'avoir cité tous les avis, il a cité 56 avis sur Laylat al-Qadr. À la fin, il dit que Rajih, c'est que cette nuit se trouve pendant les 10 dernières nuits, mais qu'elle change d'une année à l'autre. se peut que l'année soit le 27, l'année d'après soit le 29, l'année d'après soit le 23, une autre année le 24, etc., etc. Donc le musulman, s'il veut être sûr, être présent pour les lettres Qadr, qu'il fasse des efforts pendant les 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faisait al i'tikaf. Donc il restait à la mosquée pendant les 10 dernières nuits sans sortir, et il sortait les lettres l'Aïd. Et donc il ne pouvait sortir, parce qu'on est mu'takif, on ne peut pas sortir sauf pour des besoins urgents. Donc on avait vu ça dans le Kitab Siyam, Bab al-i'tikaf. Donc le fait de laver sa tête, ce n'est pas une chose urgente. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait sa tête seulement vers Aïcha radiallahu anha, pas tout son corps, parce que s'il avait sorti tout son corps, l'i'tikaf aurait été nul. Et Aïcha radiallahu anha ne peut pas rentrer à la mosquée du fait qu'elle est en état de menstrue. Donc il sortait seulement sa tête, et elle lui lavait la tête et le coiffait sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce qui prouve également le bon comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن وهذا يدلنا على أن تلطف في النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وكذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم فإنه أن يعيش مع أزواجه كما يعيش الواحد منا أنه يتكي في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن فمما قلنا عدم الأنفة من أو الأنفة من الحائض وعدم كراهيتها خلافا لليهود لأنهم كانوا لا يجلسون مع الحياض وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع أزواجه وهن حياض تقول أم سلمة زوجته قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متجعة في خميلة يعني خميلة هي قطيفة من صوف أبيض هي كانت متجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول حط يعني جاءني الحيض فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي يعني حطي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dormait avec ses épouses même lorsqu'elles avaient les menstrues. Donc Aïcha رضي الله عنها pardon, elle nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم donc s'allongeait sur ses genoux alors qu'elle était en état de menstrue et il lisait le Coran. Donc, ce qui nous prouve le bon comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Donc il vivait avec ses épouses comme pourrait vivre n'importe quel homme. Et également cela prouve l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il était, il n'était pas orgueilleux, donc il acceptait donc de s'allonger sur les genoux de ses épouses sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on a dit également il se comportait avec ses épouses comme d'habitude donc, sauf qu'il n'y avait pas de rapport et il dormait donc avec ses épouses. Umm Salama nous dit que alors que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé donc fi khamila donc sur un tissu, j'ai eu mes menstrues et elle s'est éclipsée en prenant ses vêtements. Le prophète lui a dit Anufisti, c'est-à-dire est-ce que tu as tes menstrues, tu viens d'avoir tes menstrues? Elle lui a dit oui. Le prophète il l'a alors appelée et elle s'est allongée à côté de lui, donc sur le même tissu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dormait avec ses épouses même lorsqu'elles avaient leurs menstrues. Le hadith al-akhir fi hadha al-bab wa huwa al-hadith al-akhir fi kitab at-tahara an Mu'adhata binti Abdillah رحمها الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Donc le dernier hadith avant de passer au chapitre de la prière, le dernier chapitre sur la purification, le dernier hadith sur la purification. Mu'adh bint Abdillah radiyallahu anha, elle nous dit, j'ai posé la question à Aisha radiyallahu anha, je lui ai dit, comment cela se fait-il que la femme en état de menstrue rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière? Aisha lui a dit, Haruriyatun anti, est-ce que tu fais partie des gens de Harura qui sont al-Khawarij? Elle lui a dit, je ne fais pas partie des Khawarij, mais je pose une question. Aisha radiyallahu anha lui a dit, Kana yusibuna dhalik, il nous arrivait ça, c'est d'aller menstruer, et il nous était ordonné de rattraper le jeûne, et il nous était pas ordonné de rattraper la prière. إذن هذه المرأة التي اسمها معاذة بنت عبد الله جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فهي من التابعين فكان الصحابة رضي الله عنهم أن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم ولكن التابعون كانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم مما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه المرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة هي تريد الحكمة تسأل عن الحكمة لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فيجوز أن تسأل عن حكم من أحكام الله تبارك وتعالى وتلتمس الحكمة فيه ولكن أنكرت عليها عائشة رضي الله عنها فقالت لها حرورية أنت حرورية يعني نسبة إلى مدينة اسمها حرورة هي بلدة قريبة من الكوفة في جهة الكوفة في العراق وهي وهو البلد الذي خرج منه الخوارج الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأول ما ظهروا من هذه المدينة التي اسمها حرورة وكان من يعني عادتهم الباطلة أن النساء اللواتي كنا من الخوارج كنا يقضين الصوم والصلاة النساء الخارجيات كانوا تقضي الصوم والصلاة ولهذا قالت عائشة حرورية أنت فاتهمتها بكونها من الخوارج والخوارج يعني فرقة ضالة خرجت في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ضمن يعني معتقداتهم أنهم كانوا يكفرون صاحب الكبيرة من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإنه كافر مفهوم؟ فأما أهل السنة ايش كيقولوا؟ ها؟ اللي يشرب الخمر كافر؟ ها؟ عاصي مؤمن ناقص الإيمان فاجر وكما كنقولوش كافر وما تقولوا كافر الذي وقع في كبيرة من الكبائر فإنه كافر حتى خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلوا في معركة النهروان المهم الشاهد أنها قالت لها أحرورية أنت فأنكرت عليها عائشة رضي الله عنها يعني عندما رأتها يعني رأت يعني وجه المشابهة مع أهل البدع الذين هم الخوارج فقالت أحرورية أنت قالت لست بحرورية ولكني أسأل أنسول فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أجمع المسلمون على أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة حكى الإجماع الإمام النووي ورأي الخوارج لا عبرة به فقول ضعيف جدا لا يخرم الإجماع طيب شنو الحكمة إذن لماذا أن تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة علاش هيك الصلاة أعظم الصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام فكيف المرأة تقضي الصوم الذي هو الركن الرابع ولا تقضي الصلاة علاش لأن الصلاة تتكرر فالمرأة مثلا يعني كما قلنا معظم النساء كيجلسوا ستيام وسبعين طيب ستيام في خمسة ثلاثين صلاة سبعين في خمسة خمسة وثلاثين صلاة طيب لو قلنا المرأة يعني بعد انقضاء الحيض يقضي هذه الصلوات كنا مشقة ولا لا كنا مشقة كبيرة ومن القواعد يعني الكلية في ديننا أن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولأجل هذا المرأة لا تؤمر بقضاء الصلاة واستيام سبع أيام هذا غالب النساء كما بعض النساء عندهم عشر أيام فنقولوا قضي خمسين صلاة في واحد مشقة كبيرة أما الصيام فإنه لا يتكرر مرة في السنة فالمرأة تستطيع أن تقضي ست أيام سبع أيام ثمانية أيام من الصيام من غير مشقة Donc cette femme elle est venue à Aïcha radiallahu anha et lui a posé la question au sujet donc du fait que la femme donc rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière. Donc elle a posé la question car elle voulait savoir donc la cause à cela, la sagesse. Mais Aïcha radiallahu anha donc a blâmé cette femme par rapport à cette question car elle a pensé que c'était une question c'est-à-dire les personnes qui vivent durement leur religion. C'est-à-dire une question pour se rendre la religion difficile. Et c'est pour ça qu'elle lui a dit Haruriyatun Anti. Harura, c'est une ville en Irak, à côté de El Koufa, d'où sont sortis El Khawarij. El Khawarij, donc, c'est une secte musulmane qui donc, est apparue à l'époque des compagnons radiallahu anhu. Et qui avaient des croyances contraires au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-Khawarij, donc sont une secte qui sont apparues à l'époque des compagnons, radiallahu anhum, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils avaient compréhension erronée des textes du Coran et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi leurs croyances bien précises, donc il y a plusieurs croyances, mais parmi leurs croyances, donc, ils considéraient que la personne qui a commis un grand péché sort de l'islam. Directement. La personne qui boit de l'alcool, qui fornique, etc. Par exemple, il comprenait les hadiths comme La yazni zani hina yazni wa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa mu'min. C'est-à-dire que celui qui boit de l'alcool n'est pas croyant au moment où il boit, que le voleur n'est pas. Il prenait ces hadiths et oubliait les autres. Donc, lorsqu'on veut comprendre un sujet, il faut réunir tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les choses également et les habitudes qu'avaient ces gens-là, Al-Khawarij, le fait que leurs femmes, après les menstrues, elles rattrapaient la prière, elles rattrapaient le jeûne et elles rattrapaient la prière. Alors que le consensus, l'ijma', a été déclaré par l'imam Nawawi et d'autres sur le fait que la femme, après les menstrues, n'a à rattraper que le jeûne et n'a pas à rattraper la prière. C'est-à-dire sans divergence. À ce sujet, la cause qui fait que la femme ne rattrape que le jeûne sans la prière, certains pourront dire comment se fait-il qu'elle rattrape le jeûne et qu'elle ne rattrape pas la prière alors que la prière c'est plus important que le jeûne. La prière c'est le second pilier de l'islam alors que le jeûne n'est que le quatrième pilier de l'islam. La cause est que le fait de rattraper le nombre de prières qu'elle a manqué pendant la période des menstrues représente une grande difficulté pour la femme. Chose très difficile. Il y a des femmes qui ont des menstrues pendant 10 jours. On va lui dire de rattraper 50 prières à la fin, c'est difficile. Donc la religion, dès qu'il y a une chose difficile, elle est rendue, ou bien elle est allégée et rendue facile. Elle mashaqqa tout ajlibu at-taysir. Aïcha radiallahu anha, contrairement au jeûne, donc le jeûne, il n'y a aucune difficulté à rattraper les jours de jeûne, à rattraper 5, 6, 7, même une dizaine de jours. Aïcha radiallahu anha, tarakat al-ijabata an hadihi al-sa'ila hatta in ittadaha laha annaha tas'alu su'ala al-ta'allum. فيجوز للإنسان إذا سئل عن شيء وكان هذا السؤال على وجه التنطع والتعنت والتشدد أن لا أن يجاب كما فعلت عائشة. عائشة ما جاوبتهاش حتى رأت أنها تريد أن تتعلم. Donc on remarque que Aïcha radiallahu anha n'a pas répondu tout de suite à cette femme. Elle a répondu à cette femme que lorsqu'elle s'est rendue compte que cette femme posait une question à travers laquelle elle voulait apprendre sa religion. Donc lorsque la personne est questionnée au sujet, est questionnée sur une question sur laquelle il y a donc une manière qui rend difficile la religion, ou bien une question où la personne ne veut pas apprendre sa religion, elle pose une question par exemple pour tester la personne, il est permis à cette personne de ne pas lui répondre, comme l'a fait Aïcha radiallahu anha. Elle ne lui a pas répondu jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte que cette personne voulait bel et bien apprendre sa religion. Istadallat Aïcha radiallahu anha ala qada'i al-mar'ati as-sawma dun as-salah bi ما كان جاريا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم يعني يكتفون في الاستدلال بما كانوا يعني يعيشونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدليل، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو الدليل، فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك. Donc Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle a donné comme preuve pour dire que la femme rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière? Elle s'est contentée de dire que cela nous arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous était ordonné de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière. Donc ça suffit comme preuve. Il n'y a pas plus que cela. Le fait qu'eux ils vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur ordonne de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière, cela suffit comme preuve donc pour attribuer un statut à une chose en islam. Dam al-hayd wal-nifas najisan wa hadha bil ijma' fala budda lil mar'a an taghsila hadha ad-dam ba'da al-hayd. Hadha ad-dam huwa najis wa yamna'u min as-salah wa yamna'u min at-tawaf wa yamna'u min mas al-mushaf wa yamna'u min al-umur allati yutlabu minha at-tahara. Donc le sang des menstrues, également du nifes, les lochis, c'est un sang impur. Donc il faut absolument que la femme, après cela, se purifie de ce sang. Et même s'il a atteint certains de ses vêtements, qu'elle les nettoie. Alors, donc c'est un sang impur, comme pourrait être impur l'urine ou bien toute autre chose. Sanartim bi vikri عندي بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض. أولا المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم، وهذا بالإجماع لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض، ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، ولو صلت أو صامت فصلاتها باطلة وصومها باطل وتأثم بذلك، تأثم بذلك. Donc on va finir par citer donc certaines règles liées à la femme qui est en état de menstrue. Donc elle n'a pas le droit de prier et elle n'a pas le droit de jeûner. Et ça, comme on a dit, sans divergence chez les savants. Et si elle prie, sa prière n'est pas acceptée. Et si elle jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Et plus encore, elle a commis un péché. En priant, en jeûnant, elle a commis un péché. Donc elle n'a pas le droit de prier à ce moment-là. كذلك لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت افعلي كل ما يفعل الحاج الا ان لا تطوفي بالبيت. فلا يجوز للمراه الحائض ان تطوف بالبيت. Également le tawaf autour de la Kaaba est interdit pour la femme en état de menstrue. Lorsque Aïcha radiallahu anha a eu les menstrues lors du pèlerinage d'adieu, le prophète lui a dit fais tout ce que fait les pèlerins à part le tawaf autour de la Kaaba. كذلك المراه الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، من تركه عليه دم، إلا أن المرأة الحائض يجوز لها أن تنصرف من مكة من غير طواف الوداع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا أو يقول عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن تكون آخر عهدي بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائط. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc il a permis à la femme en état de menstrue de ne pas faire ce que l'on appelle tawaf al-wada, le tawaf d'adieu. Donc avant, à la fin du pèlerinage, il est ordonné donc aux pèlerins de faire ce que l'on appelle tawaf al-wada avant de rentrer dans leur pays ou bien avant de partir à Médine. Et la femme en état de menstrue, il lui est permis de partir sans faire tawaf al-wada. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné donc aux pèlerins de ne pas partir avant donc de ne quitter la Mecque qu'en rendant la maison sacrée, la Kaaba, leur dernier lieu donc d'adoration. À part que donc il a été permis de délaisser cela pour la femme en état de menstrue. La femme en état de menstrue, il lui est permis de délaisser cela. كذلك بالنسبة للمرأة الحائض لا يجوز في وقت الحيض الجماع. يقول الله تبارك وتعالى فلا تقربهن حتى يطهرن. Donc également les rapports, comme on a dit tout à l'heure, sont interdits entre les deux époux, les rapports sexuels entre les deux époux pendant les menstrues. Et comme on a dit tout à l'heure, cela sans divergence chez les savants. كذلك لا يجوز الطلاق. لا يجوز الطلاق في وقت الحيض. فعندما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض. طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض. وذهب عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل ابنه أنه طلق زوجته وهي حائض. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها. مهم. طلاق المرأة الحائض حرام ولكن واقع. شنو معنى الفرق؟ كم معنى الفرق؟ هو حرام. شخص يأثم عندما يطلق زوجته وهي حائض ولكن الطلاق واقع. طلاق يقع ويسمى بطلاق بدعي. وكذلك لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. Également le divorce. Il est interdit à l'homme de répudier sa femme pendant les menstrues. Donc on parlera plus en détail de cela lorsqu'on parlera du mariage. Pendant la période des menstrues, il est interdit à l'homme de répudier sa femme. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, donc un jour il a répudié sa femme alors qu'elle était en état de menstrues. Omar ibn Khattab, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé de ce qu'avait fait son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et lui a dit Mourhu fayurajiha. Ordonne-lui de la reprendre, thumma liyumsikha hatta tathur, thumma insha'a amsakha wa insha'a talaqaha. C'est-à-dire, ordonne-lui de la reprendre, ensuite qu'il attende qu'elle ait ses menstrues, puis s'il veut, il la répudie, s'il veut, il la gardera. Le fait de répudier une femme en état de menstrues, c'est interdit. C'est ce qu'ils appellent, les gens du fiqh, الطلاق البدعي, c'est-à-dire une manière innovée de faire, de répudier. Mais en même temps, le divorce il a lieu. C'est pas parce que c'est interdit que le divorce n'a pas lieu. Le divorce a lieu, mais la personne qui a fait cela a commis un péché. On parlera de ça plus en détail dans le livre, le chapitre du mariage. Également le fait de toucher le mushaf. Il est interdit à la femme en état de menstrue de toucher le mushaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yamassu al-Qur'ana illa tahir. Mais il lui est permis, inshallah, de réciter par cœur. Donc si elle connaît des choses par cœur, il lui est permis de réciter le Qur'an. كذلك المكث في المسجد لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد وقت حيضها. دل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد. وقت العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كلهم أن يخرجوا لصلاة العيد حتى النساء الحيض. إلا أن المرأة الحائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل مصلى المسلمين. هذا يدل على أنها لا تجلس في المسجد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخرج رأسه وهو معتكف وزوجته حائض، لو كان جائزا لها أن تدخل المسجد لدخلت وغسلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة، يعني الخمرة سجادة، فقالت له يا رسول الله إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. الشاهد أنها قالت إنها إني حائض، فالذي يدل على أن الأمر كان مستقرا في أذان الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. Également, il n'est pas permis à la femme en état de menstrue de rentrer et de rester à la mosquée. Prouve cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la prière de l'Aïd, il a ordonné à tout le monde de sortir pour assister à la prière de l'Aïd. Les hommes, les enfants, les femmes. Même les femmes en état de menstrue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné de sortir pour assister donc au discours, mais il aura ordonné à ces femmes de s'écarter de l'endroit de prière, de s'écarter de l'endroit de la prière. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que nous avons cité, lorsqu'il était en train de faire l'i'tikaf, il sortait sa tête vers la maison de Aïcha radiallahu anha, et elle était en état de menstrue, et elle lui lavait la tête et le coiffait. Si elle aurait pu rentrer, elle serait rentrée, aurait coiffé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cela était plus facile. Ma khuya nabi sallallahu alayhi wa sallam bina amrayni ikhtara ma la yakun ithman. Le prophète sallallahu lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la chose la plus facile, tant que ce n'était pas un péché. Donc au lieu de sortir sa tête, il aurait fait rentrer sa femme radiallahu anha dans la mosquée. Également, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha radiallahu anha, rentre à la mosquée et donne-moi le khumra. C'est un morceau de tissu sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait. Elle lui a alors dit « Inni ha'et »« Je suis en état de menstrue » Le prophète lui a dit « Inna ha'edataki leysat fi yadiki » C'est-à-dire que tes menstrues ne sont pas dans tes mains. Donc il lui a ordonné de rentrer et de ressortir tout de suite pour lui donner cette chose-là. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est lorsque Aïcha radiallahu anha lui a dit « Inni ha'et » Ce qui prouve que les compagnons radiallahu anhum, il était clair dans leur tête que la femme en état de menstrue ne rentre pas dans la mosquée. « Qad iktabalna » بحمد الله تبارك وتعالى وفضله كتاب الطهارة ونأخذ أو نبدأ يوم الأحد في كتاب الصلاة. صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.